La maison d'édition de la jeunesse Kumson a fait paraître des livres d'éducation idéologique et culturelle pour les jeunes et enfants, surtout une 80aine de livres sur les exploits et la conduite noble du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, et de livres sociopolitiques sur la justesse des idées révolutionnaires de notre parti et l'éminence de son leadership.